Asgardais, quartier nord. Oui, c'était place Gaucheret, je pense. On est parti de là vers place Roger, la manifestation. Et c'était vraiment la première fois que ce n'était pas des Belges qui allaient manifester pour les étrangers, mais eux-mêmes qui sortaient des quartiers en disant « halte au racisme, on ne va pas se laisser tuer comme ça, halte à la violence policière ». C'était aussi un phénomène important où les gens osaient prendre eux-mêmes, faire des actions sur des problèmes qui les concernaient. Et ces gens se mêlaient entre eux, travaillaient ensemble, donc les gens qui soutenaient la famille donc du jeune homme abattu et les travailleurs clandestins, est-ce que ces différentes questions se sont mises ensemble ou... Mais en fait, tout le monde s'est retrouvé dans la grève de la faim. Oui, parce que, comme la grève de la faim a eu lieu à Skarbek, dans l'église Saint-Jean et Nicolas, déjà il y avait eu ce mouvement quelques mois auparavant. Donc il restait encore des choses que les gens avaient appris dans ces manifestations. Et dès qu'il y a eu la grève de la faim, sur la façade de l'église, il y avait des calicots. Il y a vraiment eu comme ça s'est répandu comme la foudre que des travailleurs clandestins faisaient une grève de la faim. Et tous les travailleurs clandestins ont commencé à venir vers l'église. On a vu, je me souviens, de groupes entiers turcs qui arrivaient... qui voulait aussi faire quelque chose. Pendant ces 10 jours, quels sont les faits notoires, importants? Mais les faits notoires, c'est l'immense mouvement de sympathie qui a commencé à naître par rapport à ce qu'ils faisaient. Et on voyait les gens affluer de partout pour venir les soutenir. On avait fait une énorme pétition sur un rouleau de papier très très grand. Et c'était vraiment... Puis tout le monde venait, prenait des tracts, allait les distribuer partout pour expliquer ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'articles dans la presse. Il y avait un bonnet communiste. Ah oui, c'était quand même un événement qui ne s'était jamais vu. Et donc, ça attirait beaucoup la curiosité, mais aussi la sympathie des gens qui étaient démocrates. Et